بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخذنا ماذا في الدرس الماضي أخذنا بابين دو شابيتر كيف سنتيل من جحد شيئا من أسماء وصفات لله je pense qu'il y avait لله dans la norme celui qui renie des attributs ou des noms d'Allah عز وجل. طيب c'est quoi son حكم celui qui les renie. Il y a un tafsir pour du ta'wil, il y a des sources mais c'est faux, et d'autres où ils ont fait, par exemple, ils ont fait du tarté, ils ont rejeté, ça c'est du coup non. Ça revient à takzib, c'est-à-dire qu'ils ont démenti ce que Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre il a dit. C'est quoi un ta'wil? Eux ils ont une chubuhat. C'est des mubtadi'a. Ils n'ont pas été rendus mécréants, mais ce qu'ils ont fait c'est une grosse erreur. Et des fois t'en as, ils rejettent totalement le nom, la tribu, d'autres l'interprètent. Ils reconnaissent le terme, mais ils disent telle chose veut dire telle chose. Par exemple, la main, comment dire, ça veut dire la force d'Allah. Lorsque Allah dit qu'il descend au troisième tiers de la nuit, ils disent que ce sont les malaïkas qui descendent. Ou c'est Ar-Rahma qui descend. Ça, c'est rejeté parce que dans le hadith, il dit Man yastaghfirli fayaghfirullah. Qui me demande pardon, alors je lui pardonne. Tu vas pas demander, tu vas pas faire istighfar avec un malaïka. Avec les malaïkas. Ça va être du shirk. طيب ثم الباب الذي بعده c'est quoi le chapitre يعني الذي يشكر الأسباب ولا يشكر الله للنعم الذي ينسب النعم للأسباب celui qui attribue les bienfaits aux asbab et non pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il aura fait du shirk du fait qu'il n'aura pas rendu le droit qui revient à Allah car c'est lui qui a accordé cette ni'ma. Il l'aura associé. Naam. اليوم ناخذ بابين وغدا ونعمل مراجعه ان شاء الله ونوبي لا برون partir du bab 40 on aurait dû en prendre une normalement et on a oublié donc on prendra demain ان شاء الله du bab 30 jusqu'à le bab d'aujourd'hui et on prendra si Allah nous facilite on a le temps un bab qui sera court et si on n'a pas le temps ça sera juste مراجعه عامه on verra كيف سيكون ان شاء الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قل لله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون qui est à propos de la parole d'Allah dans le sens où il dit et n'attribuez pas à Allah des égaux alors que vous savez. Ce verset on l'a déjà cité, même ce bab là, une partie a déjà été citée au début du livre et le contenu de ce bab là, des choses viendront plus détaillées par rapport aux choses citées là. يعني قال الشيخ ابن باز أراد المؤلف بهذا الباب تحذير الناس من اتخاذ الأنداد وهو جمع ند وهو المثل والنظير وسمى الله من اتخذ إلها أندادا لأنهم عبدوه مع الله كالقبور والأحجار والأشجار والكواكب وغيرها كلها تسمى أندادا إذا دعاه أو استعاث به أو طلب منه شيئا أو اعتقد نفعه أو ضره. Donc là, le mu'allif, il a voulu quoi par ce chapitre? Mettre en garde les gens du fait de prendre des égaux. Car le nid, qu'on appelle un nid, dans le pluriel c'est andad, c'est un égal. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés comme étant des divinités. Car ils les ont adorés avec Allah, comme par exemple les koubours, les tombes, ou les arbres, ou les astres, et autres. Donc ils ont été appelés également égaux. Si jamais ils les invoquent d'une invocation qui ne revient que Allah, ils font sti'atha, où ils demandent d'eux des choses et qu'ils ont pour croyance que ces choses-là peuvent nuire ou protéger. Et on les appelle comment également ? Les égaux ? Les choses, toutes les choses-là qui regroupent ces caractéristiques, qui sont invoquées, Asnam. Asnam. Donc, et dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit alors que vous savez, wa antum ta'lamun, ay ta'lamun annahu al-khallaq ar-razzaq wa huwa al-ilah al-haq subhanahu wa ta'ala. Donc, alors que vous savez pertinemment que celui qui est le grand créateur, celui qui pourvoit la subsistance, et c'est lui la réelle divinité. Donc vous le savez. Donc pourquoi lui attribuer des égaux? ثم قال المؤلف قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاته السوداء في ظلمات الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لا أتانا اللصوص ولولا البط في الدار لا أتانا اللصوص وقول الرجل لصاحبي ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن حاتم. Donc Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit à propos du verset qu'on vient de citer, le verset qui est wala tajalu lillahi andadan wa antum ta'lamun? El andad, c'est quoi? Lui, il a expliqué comme étant le shirk, qui est encore plus imperceptible que la trace d'une fourmi sur un rocher lisse et noir dans la noirceur de la nuit, dans les ténèbres. Et c'est également le fait de dire par Allah et par ta vie, ô Foulen, et par ma vie, où tu dis, si ce n'avait été ce petit chien, le voleur serait venu. Si ce n'avait été ce canard dans la maison, le cambrioleur serait rentré. Ou la parole de l'homme pour son ami lorsqu'il dit par la volonté d'Allah et par la tienne. Ou la parole de l'homme lorsqu'il dit si ce n'avait été Allah et un tel akada. Donc ne rajoute pas un tel. Le tout et tout cela est du shirk. Tous ces termes cités là sont du shirk. Là j'ai pas le hukm sur ce athar. Il me semble que ce qui concerne la fourmi de ce athar, il me semble qu'il était faible. Je ne me rappelle plus. Le muhim est le ma'na sahih. Que le shirk, en fait, est une chose qui est extrêmement subtile à discerner. Tu as du shirk qui est jali, qui est clair, et d'autres formes de shirk qui ne le sont pas. Donc il a comparé ça à une fourmi noire, ou plutôt une fourmi. T'as vu, c'est quoi une fourmi? C'est tout petit. Sur un rocher lisse et noir. Et à quel moment? Dans la noirceur de la nuit. C'est-à-dire que tu ne peux pas le voir. Pour le voir, il faut vraiment venir s'approcher et éclairer. Sinon, tu ne la verras pas. C'est pas possible que tu le vois. Donc ça t'appelle à faire comprendre que ce genre de choses, il faut que tu les décèles en toi. Elles sont en toi et tu ne t'en rends pas compte. Donc une scène d'Aïmen est sûrement en question par rapport à ça. Et il combat son nefs. Comme fut rapporté par Sanal Salaf qui dit « Ma j'ai touché un à la nefsi achad min al-ikhras fil niya. » Je n'ai pas combattu une chose en moi plus dure ou avec plus de difficulté de combattre mon intention, l'anima, ma niya. C'est-à-dire je lutte pour que ma niya soit bonne dans ce que je fais. Et combien d'actes faisons-nous à longueur de journée? On oublie la niya. On les fait comme ça automatiquement sans forcément avoir mis de niya. Combien d'actes n'ont pas été acceptés du fait qu'il n'y avait pas eu la niya? Combien d'actes peut-être notre niya était facile à n'ont pas été acceptés? Et les alika. Donc ne pas se croire à l'abri et être fier de soi de ce que l'on fait. Et lorsqu'il dit Shir al-Famine Faïda par rapport au verset, dans le tafsir d'un verset, il dit Tafsir yakun ala shay'ain bi al-ma'ani wa bi al-murad. Par exemple, des fois, tu veux qu'un verset, tu peux expliquer que le sens des mots. Tel mot veut dire telle chose. Tel mot veut dire telle chose. Tel mot veut dire telle chose. Sens littéraire. Et après, tu peux venir avec un autre tafsir, comme c'est le cas d'Ibn Abbas, dont l'explication ne ressemble pas du tout à l'apparence du verset, comme tu le constates. Et là, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça, c'est le tafsir bil murad. Qu'est-ce qui est voulu par le verset? Tu peux employer des termes qui ont un sens, Et le mourad du verset, c'en est un autre. Et après, on a expliqué comment la règle que al-ibara laysa bi khusus al-sabab walakin bi umum al-alfaz. Qu'un verset, également, on ne le prend pas en considération pour la cause de sa descente, mais pour la généralité des termes employés. C'est-à-dire tu peux le prendre pour la cause de sa descente et tu peux également le prendre pour autre chose tant que le sens reste correct par rapport au terme employé. Et un verset peut avoir plusieurs causes de descente et il peut avoir plusieurs tafasir, plusieurs explications. Mais les unes et les autres ne se contradisent pas à la base. C'est juste une de dire telle chose et l'autre complète par un autre sens. Voilà. Donc là, Ibn Abbas, il fait comprendre tous ces termes-là employés sont du shirk. Pas même. Et Beb Law, Law là, ce n'avait été toi, ça va venir dans le kitab Majafi Law. Ça s'appelle, Huna, dans ces phrases-là, Harf Imtina li Wujud. C'est-à-dire, c'est un Harf qui vient pour citer une chose qui n'a pas eu lieu. Non traduit par si. Mais Law en arabe, ça a un thème particulier. Ta Harf Imtina li Imtina, ou ta Harf Imtina li Wujud, et ça va venir dans son chapitre, Inch'Allah. Donc ne dis pas, si ça avait été telle chose, ça ne serait pas arrivé. Non, dis, si ça n'avait pas été Allah, puis telle chose. Et ça revient à ce qu'on disait hier dans le Ders, que là, tu remets quoi? Tu remets l'illa au sebeb. La ni'ma ou l'illa, tu la mets au sebeb. Non, tu la remets à Allah, ce matin-là. Si c'est pas Allah qui l'avait voulu, le voleur, que tu aies un canard ou un petit chien, il serait rentré. Comment on dit un canard? C'est un canard, je sais plus comment on dit, c'est quoi sa voix? Le bruit qui fait le canard, tu sais. Yannick et Talat, ils ont des canards domestiques apparemment. Et quand quelqu'un rentre, le canard, ben, il s'exprime. Tu l'entends, le canard. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui rentre. Comme un chien de garde. Le chien de garde, quand quelqu'un y rentre, il aboie. Sauf que le chien, lui, peut attaquer. Le canard, il n'a pas fait grand-chose. Donc le chien, le petit chien, lui, va aboyer. Mais c'est un gros chien. Mais à la base, le chien de garde pour la maison, c'est pas permis. Quand même, un chien de garde pour la maison, c'est pas permis. Ce qui est permis, c'est le chien de garde pour un troupeau, le bétail, qu'il soit à l'extérieur de la maison. Dans la maison, tu n'as pas le droit d'avoir un chien, car celui qui a un chien, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, chaque jour, il y a 40 de âge qui part, 2 montagnes de hassanet qui sont perdues. Donc, des gens se demandent, est-ce que les 2 montagnes, tu les as faites? Pour dire que tu les as perdues. Est-ce que tu les as faites déjà? Alors, imagine-toi, tu ne les as même pas, tu les perds à cause d'un chien qui est chez toi. Donc, avoir un chien dans la maison, tu perds cela et en plus, ça empêche les gens, les anges de rentrer. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la troulou, la malaïkatu baytan, fihi, kalb, wa soura. N'entre pas les malaïkats dans une maison où il y a un chien et une image d'un être doté d'âme. Naam. Donc également, masha'Allah wa ashit, que tu as attribué la volonté à Allah et à quelqu'un d'autre. Et lorsque tu dis en arabe, waouh, c'est harf atf, wa yatibi marna musharaka wa musawa. C'est comme si tu égalisais et tu accordais une part à la chose. Par exemple, comme tu disais, c'est, je te dirais par exemple, qui a construit cette maison? Tu diras, c'est Zayd et Amr. C'est Zayd et Amr. Ça veut dire quoi? Qu'ils l'ont fait ensemble. Ou s'ils l'ont pas fait ensemble, tous les deux ont contribué à la construction de la maison, même si c'est à des moments différents. Les deux, ils ont travaillé dans la maison. Donc, Mashiyatullah, la yushahidik fiha ahad. La volonté d'Allah, personne n'y participe. Si Allah veut une chose, elle est, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Et ensuite, tu dis, puis, en arabe, on dit, summa. Tu vois? Tu vas dire, hadha, masha Allah, summa, ant. Est-ce que Allah a voulu, puis, c'est-à-dire toi, ta volonté, elle vient après celle d'Allah. Mais si tu mets le waouh, et c'est comme si que ta volonté à toi équivalait à celle d'Allah, ce moment-là. Donc, c'est du shirk, tout cela. Tout cela, c'est du shirk. Et tu en fais un id, cette personne-là, un égal. Al-Musawa ou Musharaka. Parmi les ma'ani, il n'y a pas que ça, mais parmi les ma'ani, il y a ça. C'est un truc aussi qu'on voit des fois dans les masajid ou sur des pancartes ou des panneaux. Une erreur que beaucoup de muslims font. Ils écrivent Allah, Mohammed. Et ça rentre dans ce bab-là. C'est comme si j'ai une tasse souillée entre Mohammed sallam et Allah. Tu vois, écrit Allah en gros, et à côté Mohammed. Ça porte à confusion. Et le ulama dit ça, c'est pas permis de faire ça. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وكذلك الألباني donc selon ibn Omar ibn Khattab ou al-Sahih c'est une erreur du mu'allif c'est ibn Omar à la base que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم il a dit celui qui jure pas autre que Allah a certes mécru ou a associé. Et le chek ou a mécru ou bien a associé, ça c'est pas du hadith. C'est un chek soit de Ibn Omar, soit de l'un des rapporteurs. Nabi Sallam l'a dit, soit il a dit qu'on kafar, ou soit il a dit qu'on ashrak, l'un des deux. Et le aou là qui est ici là, c'est un doute de celui qui rapporte le hadith ou vient du sahabi. Comme le dit le shir lui-même, à la base. Mais à la base, il y a des ulama, ils disent que le shir ou le kouf, il y en a un. Et d'autres, ils voient que non. C'est un autre élève, ça. Car les Arabes, auparavant, juraient par leur père, juraient par leur mère, différentes choses. Et juraient par les andad. Par quoi le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, après, c'était interdit. Au début, ils le faisaient. On avait déjà parlé de ça. Au début, les Arabes, même parmi les Sahaba, c'est un enfant au début. Après, c'est venu une interdiction. Qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut » Muttafaqun alayhi, qu'il a dit que celui qui jure, alors qu'il jure par Allah, ou bien qu'il se taise. Et le « halif li ghilillah », on a dit quoi, le tafsil, c'est quoi? C'est du à la base, asrar, sauf si à la base, c'est asrar, sauf si c'est un ta'zim pour le makhlouf bi. Que tu as une croyance que celui pour qui tu jures a une part dans la création, dans le contrôle des choses, et qu'il adore en dehors d'Allah. Sinon, jurer pour autre que Allah, ou pas autre que Allah, cela est du shirk asrar. Mais c'est une porte qui amène au akbar. C'est une porte qui amène au akbar. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. Qu'il a dit Ibn Mas'ud que je jure par Allah en mentant, mais préférable que de jurer par autre qu'Allah en étant véridique. لماذا؟ لأن كما قال الشيخ لأن الحلف بغير الله شرك وحلف بالله كاذبا معصية والشرك أعظم من الكذب. وجنس الشرك أخطر من جنس المعاصي والكذب لا يجوز ومحرم. Car le fait de jurer par autre que Allah, cela c'est du shirk. Et le fait de jurer par Allah en mentant, cela est une marsiya, une désobéissance, un grand péché. Ça s'appelle al-yamin al-ghamous. Al-yamin al-ghamous. C'est ce qui te fait plonger dans l'enfer, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu jures par Allah, délibérément en mentant. Donc le pire, le shirk est pire que le et la marsiya, bien que le shirk est une marsiya en soi. Tout shirk est une marsiya. Et ce n'est pas toute marsiya qui est du shirk. Mais là, le fait de jurer par Allah, c'est plus grave encore. On ne te dit pas de jurer par Allah et de mentir, c'est non. C'est un grand péché. Mais jurer par autre que Allah en étant véridique est pire encore. وعن هذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح وهذا صححه الألباني كذلك il a dit هذيفة que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit ne dites pas par la volonté d'Allah et par la volonté de fulan de un tel mais cependant dites par la volonté d'Allah puis celle de un tel, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu viens par thumma, tu dis pas wa, et en comment dire en français. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان que Ibrahim al-Nakhai rahimahullah ta'ala qui était parmi les sahabes d'Ibn Mas'ud qui ont pris de lui il détestait le fait que l'on dise et on a expliqué c'est quoi le karaha chez les salafs Naam. Que l'on dise je cherche refuge auprès d'Allah et auprès de toi pour la même cause qu'on a dit le waouh c'est quoi ma'na al-musharaka wal-musawa ça amène une égalité entre les deux et une participation mais tu dois dire je recherche ou je cherche refuge auprès d'Allah puis auprès de toi car il t'est permis l'istiaza birilillah on a expliqué ça déjà dans ce que la personne est capable de faire et également tu dis si ce n'avait été Allah puis toi et non pas le fait de dire si ce n'avait été Allah et toi hein, le waouh dans ce genre de ibara expression yutrak ma yajouz istihmaluhu t'as pas à l'utiliser. Car ça fait quoi? Tu rentres dans le tandid. Tu donnes un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Taïeb. Là, on prend les masaïl liés à ce bab. Donc là, c'est du shirk qu'il y a à quoi? Aujourd'hui, au alfaz. Au terme. Aux phrases que l'on pourrait dire. Car même si dans ton cœur, tu n'as pas forcément le shirk, bien qu'il est difficile à déceler, tu peux l'avoir dans tes paroles. Ou dans tes actes. Ou dans le tout. قال فيه مسائل تفسير آية البقرة في الأنداد التفسير دي ورسة البقرة دون سورة الأنداد دون سورة البقرة ورسة كبار دي أنداد دي زيغو الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر إنها تعوم الأسخر كل الصحابة صلى الله عليه وسلم ولوسكيز اكسبيك ان ورسة كي كونسيرن الشرك أكبر سولا انغلوب également الأسخر Ça englobe les deux. Le shirk de façon générale. Al-Thalitha, an al-halif bi-ghaylillah shirkun. Le fait de jurer pour autre qu'Allah, cela du shirk. On explique, il peut être akbar, il peut être askhar. Al-Rabi'atu, annahu izay halafa bi-ghaylillah sadikun fa wa akbaru min al-yamin al-ghamous. Et que si jamais il jure par Allah, pour autre afon, que jurer par autre qu'Allah en étant véridique, cela est pire que al-yamin al-ghamous. Al-yamin al-ghamous, c'est le fait de jurer par Allah, en mentant délibérément. Naam. Al-khamisa al-farku baina al-waw wa thumma fil lafz. La différence qui est entre waw, c'est-à-dire le fait de dire et le fait de dire puis. Voilà les termes. La mas'ala qu'on répète souvent, jurer par le Coran, c'est permis? Il y a un conseil si tu vises, je crois, le kalam Allah, vu que c'est le Coran, c'est juste. Non. Toujours par sa parole, vu que sa parole, c'est une sifat, elle n'est pas marquée. Non, le Coran, kalamullah, donc c'est une de ces sifat, tu peux jurer par. Mais tu peux jurer par le mushaf. Non, je me souviens. Mushaf, là, car le mushaf, à la base, c'est l'objet. Tu ne jures pas par le mushaf. Vous voyez, comme les chrétiens, ils le font, ils jurent sur la Bible, quand il y a un truc comme ça, kaza et kaza. Le musulman, il ne fait pas ça. Tu peux jurer par le Coran, mais c'est quoi ta niya? Kalamullah, par le mushaf. كلام الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله ce qui est venu à propos de celui qui n'accepte pas lorsqu'on lui jure par Allah qui n'est pas convaincu de quelqu'un qui lui jure par Allah قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان وجوب القنع باليمين وإن كان في نفسه شيء من صدق الحالف أو علم كذبه أو تهمته بذلك مع ذلك فعليه أن يقنع بالحكم الشرعي ويرضى به لأنه ليس للناس إلا ما ظهر وكذلك ليس للقاضي إلى ما ظهر بشارة العدل أو يمين الخصم عند عدم البينة. Donc il a dit quoi? Que le mu'allif a voulu par ce chapitre démontrer l'obligation d'accepter, d'être convaincu par celui qui jure par Allah. Même si au fond de toi, tu ressens une certaine appréhension par rapport à sa parole. Est-ce qu'il est véridique ou est-ce qu'il ment? Ou que tu as su qu'il ment? Ou qu'il a été accusé de mensonge? Malgré cela, tu dois accepter le hukm shari et accepter ce qu'il a dit et le fait qu'il ait juré. Car les gens ne doivent accepter que ce qui est apparent. Les kouloub, les cœurs, ça ne revient pas. Il ne revient pas encore à dire lorsqu'il y a un conflit entre deux parties, lorsqu'il faut jurer, le qadi doit accepter. Il prend la shahada des houdouds, c'est-à-dire des gens fiables, ou la yamine de celui qui jure. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ala al-mudda'i al-yamin wa ala man ankara, ala al-bayyina al-mudda'i wa al-yamin ala man ankara. Celui qui prétend une chose, qui ramène une preuve, celui qui renie, qui rejette, qu'il jure. Dans cette situation-là, celui qui jure, tu acceptes ce qu'il dit. Maintenant, le qawl, il y a un dalil que Cheikh Othamine décide que lorsque tu sais que la personne vraiment, c'est une personne qui ment, tu n'acceptes pas. Comme ce fut le cas des Yahoud, dans un hadith est venu, apporté par Muslim et Ghayruhu. Je ne sais plus c'était quoi l'histoire par rapport à un homme qui avait été tué. Et après, les Yahoud devaient jurer 50 fois. Et ils ont dit, même s'ils juraient je ne sais combien de fois, ça ne sera pas accepté. Nabi Salam, il a dit, c'est vrai. Que les Yahoud, ils sont connus pour être des grands menteurs. Et leur Yamin n'a pas été accepté. Donc, Cheikh Othamine dit que la personne qui est connue, tu es sûr qu'il ment, tu n'acceptes pas. Par exemple, il te dit, je ne sais pas, moi, un exemple, tu fais une vente, et il te dit, wallahi, ça, c'est un produit de marque d'origine. Par exemple. Toi, tu regardes, tu connais les signes de la marque d'origine. Tu sors l'objet, tu montres les défauts. Tu dis, la marque d'origine, jamais il y a ça chez eux. Tu mens. Et il dit, wallah. Eh bien, à ce moment-là, tu ne crois pas. Ou il te dit, wallah, c'est de l'or que je te vends là. Après, tu grattes et tu vois en dessous, il y a du plomb. Tu dis, wallah, c'est de l'or. Il dit, wallah, c'est de l'or. De l'or gris. À ce moment-là, tu ne vas pas le croire. Même s'il jure je ne sais combien de fois, tu ne crois pas. Donc, la mas'ala, ce n'est pas la itlaq. Mais la base, c'est que tu n'as rien qui t'apparaît. D'accord ? Dans des masa'il shad'iyya, comme lorsque tu as lieu, tu es devant un cordi et qui doit trancher entre deux parties, comme je l'expliquais, ou même dans la moula'ana entre un mari et sa femme, mathalan, que le mari accuse sa femme de faire zina, qu'est-ce qu'il fait lui ? Comme il n'a pas qu'être shuhada avec lui, il doit jurer quatre fois par Allah qu'il est véridique, et la cinquième fois qu'il jure, que Allah lui inflige sa colère si jamais il est du nombre des menteurs, comme dans Sourate An-Nur. Et la femme, pareil. Elle vient et elle jure quatre fois par Allah qu'il est c'est un menteur. Et la cinquième fois, que Allah, la colère d'Allah sort sur elle, si elle met elle, c'est une menteuse. Hein? Et après, le juge, il sépare entre les deux. Il divorce. Et il n'a plus jamais le droit de la récupérer. Plus jamais. Ah, mais elle ne se fait pas lapider. Là. Il n'y a pas de lapidation à ce moment-là. Mais le juge, il accepte le jugement. Et elle, il sépare entre les deux. Et il ne plus jamais ne retourne avec lui. Ah, c'est interdit. Non. Par contre, cette moula'ana, il n'y a que l'homme qui l'a fait. Pas pour la femme. La femme ne dit pas, ouais, je jure que par là que mon mari l'a fait zina. Ça, c'est pas pour elle. Ça, c'est que l'homme qui accuse sa femme. Il n'y a pas pour la femme qui accuse son mari. Le jugement n'est que pour l'homme. Comme les ulama, ils le disent. Donc là, c'est dans le cas où le mari est sûr d'une chose, il n'a pas quatre témoins. On ne le flagelle pas non plus. Parce qu'à la base, il faut que tu viennes quatre témoins. Donc à ce moment-là, s'il jure par Allah, même si c'est un menteur, le juge, il prend. Et la femme, pareil, même si c'est une menteuse, le juge, il agit en fonction de ce qu'il a entendu. Wa akada. Wa an ibn Omar, radiallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala, la tahlifu bi abaikum man halafa billahi falyasduq. ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن وعليكم السلام والحديث صححه للألباني rahimahullah ta'ala. Donc il a dit, Ibn Omar, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne jurez pas par vos pères, et celui qui jure par Allah doit être véridique lorsqu'il jure. Et celui qui, pour qui on jure par Allah, c'est-à-dire on vient te voir, quelqu'un te dit, Wallah, j'ai fait telle et telle chose, tu dois accepter de lui. Et celui qui n'agrée pas qu'on jure par Allah pour lui, tayyib, que Allah se désavoue de lui. Donc ce hadith, dans son apparent, tu es obligatoire d'accepter quelqu'un qui te jure par Allah. Par contre, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un halifa ala yamin wa wa kazibun laqi Allah wa huwa alayhi ghadban. Là, c'est la menace qui plane celui qui jure par Allah alors qu'il ment. Surtout pour prendre le haq d'un musulman. Il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et que celui-ci sera en colère contre lui. Hada yadul an al-ghadab min sifatillah kadhalik. Tamam, al-ghadab min sifatillah. Donc il n'était pas permis, et parmi les grands péchés, que de jurer par Allah en mentant délibérément. Après, il y a d'autres règles par rapport au fait de jurer par Allah dans des choses. Il y en a qu'on appelle le yamin. Là, ce n'est pas le sujet. Mais des fois, tu as mayajiri à la lisan, le fait de dire Wallah comme ça, mais sans nia. Ça arrive beaucoup. Ça, c'est pas compté. Ça, c'est là. On parle du yamin, celle qui est muta'ammida. C'est-à-dire, quand tu l'as fait, tu sais très bien ce que tu dis. Tu t'engages à une chose. Celui-là qui n'accède pas, il ne fait pas du shirk. C'est juste un bayan comme ça. En fait, le shahid de ce bab, c'est que le fait de refuser, c'est un anx fit ta'zimillah. Parce que la personne, quand elle jure par Allah, c'est que c'est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'amuser à jurer par Allah, tout va. Même si tu es véridique, ne jure pas Allah tout le temps, pour rien du tout. Tu jures par Allah que lorsque c'est vraiment muhim jiddan, à ce moment-là. Et lorsque quelqu'un jure par Allah, normalement, ça doit te faire effet. Tu dis, oh, il jure par Allah, c'est-à-dire qu'il est vraiment sérieux, là. Fahimt? Voilà, fi ta'zim fi haqillah. Donc là, le hadith yakoul, ومن لم يرضى فليس من الله. Celui qui n'agrée pas, celui qui a juré pour toi, par Allah, que Allah, il n'est en rien avec Allah, c'est-à-dire qu'Allah se désavoue de lui. Cela te montre quoi? Que c'est un grand péché. Comme a dit le shaykh, وعيد شديد على من لم يرضى بحكم الله ولم يطمئن إليه. Que c'est une sévère menace sur celui qui n'agrée pas le jugement d'Allah et qui s'en apaise pas. C'est ça, Wa'id, c'est une menace. C'est ça, c'est une menace. Non. Donc tu dois accepter. Wa shaykh qala fa ida kafarat man halifa kaziban an yatub wa yarud al-haq li ashabi. Et celui qui jure par Allah en étant menteur, sa kafara, expiation, c'est qu'il fasse tawbah et qu'il rende le droit à celui qui l'a pris, qui l'a lésé. C'est pour cela que le shir, à un autre moment, au début, il dit quoi? Que lorsque quelqu'un jure par Allah et qu'il ment, mais t'as rien qui te le laisse apparaître, toi accepte, et ton haq, si jamais tu l'as pris au meilleur qu'il tu l'as récupéré. Et celui qui s'amuse à faire ça, Allah, il craint pas Allah. Que tu jures par Allah et tu mens pour en plus pour le droit d'un frère musulman, ça c'est une chose, elle est immense. C'est immense. Il faut vraiment avoir un peu de piété pour agir de la sorte. Et tu vois, beaucoup de gens dans le commerce, ils le font. Dans les aswaq, ils jurent par Allah pour des choses et ils mentent pour vendre leurs marchandises. Wallahi azbillah. Taïb, nakra al-masail. الأولى النهي عن الحلف بالآباء qu'il est interdit de jurer par les pères ou les mères ou tout ce qui est autre que Allah de toute façon à la base. Mais les pères et les mères surtout parce qu'à l'époque on expliquait les Arabes le faisaient. الثانية الأمر بالأمر المحلوف له بالله أن يرضى qu'il est obligatoire celui pour qui on jure par Allah qu'il accepte qu'il agrée. الثالثة وعيد من لم يرضى la menace qu'il passe celui qui n'accepte pas. On expliquait c'est ça le hukm de base. Maintenant, tu as des cas particuliers où tu peux refuser. Comme le fait que devant toi, les faits sont clairs qu'il est en train de mentir, tu as les Hujjaj devant toi qui ment, ou alors des gens comme les Yahoud ou les Kuffar qui sont dans la situation, ils sont vraiment connus pour le grand mensonge. Naam. Fa. Allez, que ça se passe. Donc on va expliquer demain, inshallah, Muraja'a, et on essaiera de prendre le bab 43. Inshallah. Fa ila huna, walhamdulillah, rabbil alamin.